finir l'émission avec nos explosions de joie, nos explosions de colère, comme chaque semaine finalement. Léa, je crois que tu avais un coup de cœur. Tout à fait, moi j'ai un coup de cœur, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc là c'est l'année de l'autisme cette année, et il y a l'association SOS Motisme France qui a lancé une campagne 30 spots, avec plein de stars, entre autres Juliette Binoche, Bernard Campan, Francis Perrin, on en parlait tout à l'heure, Pascal Elbé, Frédéric Diffental, Angoun, Fovoto, bref, tout plein de stars qui se sont engagés aux côtés d'Olivia Catan, qui est la présidente de SOS Autisme France. Et je trouve cette campagne vraiment très bien réalisée par Renaud Bertrand, très belle. Ce sera sur vos écrans de télé dès la semaine prochaine, sur France 2, France O, sur Canal+, sur M6, sur TF1, sur plein, voilà, au cinéma aussi, c'est un cinéma Pathé, Gaumont, UGC, très belle campagne d'SOS Autisme France. Et en exclusivité, j'ai un petit extrait à vous présenter. Écoutez ça. Eh bien, je m'appelle Vincent. Je m'appelle Mélissa. Je m'appelle Samy. Pourquoi tu es triste? Parce que dans mon pays... La France. Toutes les portes sont fermées aux autistes. École. La musique. Le sport. Le travail. Parce que les gens pensent que les autistes sont des idiots. Qui ne ressentent rien. Moi, je comprends tout. Moi, je ressens tout. La colère, la peine. L'amour. La peur. L'indifférence. Il est autiste. Et alors? Et donc voilà, on a écouté plein d'enfants autistes qui ont participé à ce spot. Et à la fin, c'était, comme vous les avez reconnus, Francis Perrin et Bernard Campan. Merci Léa, très belle association. SOS Autisme, c'est ça? SOS Autisme France, présidée par Olivia Catan.